traité par la nature, faudra faire avec. Pas fini, pas d'allure, pas la carrure d'un mec. Comme une tache, une rature, un Picasso raté. Je peux pas me voir en peinture, ni en réalité. T'es belle en crever, littéralement, c'est pas que tes mots. Je pourrais jamais t'approcher, non, tu sais pourquoi? Parce que je suis pas beau, c'est pour ça que t'es belle en crever. T'es belle en crever. Alors je me bats comme un beau diable, enfin façon de parler. On va mettre carte sur table, je suis mal foutu de la tête aux pieds. Avec ce corps de lâche, comment livrer bataille? Que tous les jours tu m'arraches le cœur et les entrailles. T'es belle en crever, littéralement c'est pas des mots. J'oserais jamais t'embrasser, tu sais pourquoi? Parce que je suis pas beau, c'est pour ça que t'es belle en crever. T'es belle en crever. Ok, break de basse. Que si j'étais puissant, riche et célèbre, tu me prendrais comme maman, mon Dieu, que l'image est laide. Car tu sais quoi qu'il advienne, devant cette foutue glace, je serai toujours un crapaud, un alien, tu seras toujours une bombasse. T'es belle en crever, littéralement, c'est pas que t'es beau. Ça fait marrer d'y penser, tu sais pourquoi? Parce que je suis pas beau, c'est pour ça que t'es belle en crever. T'es belle en crever. Je connais par cœur les phrases toutes faites qu'on nous balance. Du genre, ce qui compte, c'est la beauté intérieure, pas l'apparence. Grand bien vous fasse, mais moi je perds espoir. À chaque fois que je passe devant ce foutu miroir, t'es belle à en crever. Littéralement, c'est pas des mots. Ça fait mal à y penser. Tu sais pourquoi? Parce que je suis pas beau, c'est pour ça que t'es belle à en crever. Eh ben, t'es belle à en crever. Oh, t'es belle à en crever. Littéralement, c'est pas des mots. Ça fait mal à y penser. Tu sais pourquoi? Parce que je suis pas beau, c'est pour ça que t'es belle à en crever. Yeah, tu m'entends, t'es belle à en crever.